Música i companyia. Música en francès, el que a partir d'aquests moments ens arriba a la nostra sintonia. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. El nou àlbum de Lowen avui és la protagonista amb el nostre començament d'espai. Anne Pichard, nascuda amb aquest nom, el seu nom és de Luan Emera. Aquest és el nom professional d'aquesta gran i extraordinària jove artista nascuda el 26 de novembre de 1996 a Pas de Calais, a França. Cantant, músic actiu, de música pop, de varietat francesa, intèrpret de guitarra i de piano, que ha participat amb el seu segon àlbum. Després de l'èxit que va tenir el seu Habitació 12 i també els senzills publicats a través d'aquelles magnífiques cançons de la família Bélier. Luan serà la cançó, o serà l'àlbum que avui repassarem al començament del nostre espai amb Luan. Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était trop content. On accélérait sans frein. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent. S'aimer trop pour s'aimer bien. Je me réveille, je pense à toi. Encore sommeil, je pense à toi. Trop de soleil, je pense à toi. C'est plus pareil. En funambule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. Je suis ridicule, on était beau pourtant. On accélérait sans frein. On s'aimait trop. Pour s'aimer bien. On était beau souvent. Quand on souriait pour rien. On s'aimait trop. Pour s'aimer bien. Désolée, je pense à toi. Presque obsédée, je pense à toi. Dépossédée, je pense à toi. Trop fatiguée. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau pourtant. On accélérait sans frein. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent. Quand on souriait. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Tu sais, j'étouffe, je pense à toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense. On était beau souvent. Quand on souriait pour rien. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Extret d'aquest àlbum del segon treball discogràfic de Luan, anomenat com ella, publicat per Mercury Universal França, un senzill número 1 a les llistes valones de Bèlgica, número 9 a les llistes franceses, però també un èxit a les llistes general de Flandes i també de Suïssa. Una excel·lent cançó que ens ha portat moltíssimes vendes en descàrregues digitals i que la veritat és

pour éviter l'ennui. En attendant le jour, j'ai embrassé la nuit. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Pour oublier l'amour, pour éviter l'ennui. En attendant le jour, j'ai embrassé la nuit. Jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie. Mmh. La companyia, doncs, al inici del nostre espai d'un excel·lent artista com Luan. Ell ens ha acompanyat amb aquestes cançons del seu segon àlbum publicat a 2017. És el torn ara mateix de la companyia del nostre amic, company i col·laborador habitual, Àngel Rodríguez. Benvingut, Àngel. Amics de Hola la Music, avui us proposo la cançó Le Valler d'Irlanda, que la cantant francesa Hélène Segarra va treure el 1996. Segarra va néixer l'any 1971 a Sixfours-les-Plages, a la Provença. La seva fama va arribar quan va interpretar el paper d'Esmeralda al musical de Víctor Hugo, El Geperut de Notre Dame. Espero que us agradi Hélène Segarra, Le Valler d'Irlanda. Salut. La col·laboració del bon amic Àngel Rodríguez amb aquesta cançó de la Hélène Segarra, que ens ha acompanyat amb les Valls d'Irlanda. Una extraordinària cançó, un gran record. Com record seran els tres que tindrem ara a Olala Music. Seran tres temes de l'any 1962, capdals a la música francesa, com aquest de Richard Anthony. Assis dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, la nouvelle vague, nouvelle vague. Trois mignonnes approchent fort bien balancées, elles chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos trois pépères soudain tout éveillés par cette nouvelle vague. Pas belle du tout. Oh, ça c'est un sacré coup. Allez, frère, on leur paye un coca. Moi je fais la grande blonde. Moi je prends la petite roue. Et les gars, oubliez pas. Nouvelle vague. Nouvelle vague. Faut pas grand chose pour faire connaissance. On boit, on pose, on rit, on danse. Mais faut garder cette indépendance. De la nouvelle vague, nouvelle vague. Nouvelle vague, nouvelle vague. Une petite MG, trois compères, assis dans leur bagnole sous un réverbère, lisent leur canard d'un air très fier. Nouvelle vague, nouvelle vague. Et dans ce canard, qu'est-ce qu'on y lit? Des tas d'histoires écrites par des gens rassis, donnant des coups de griffe, pas avec des pis sur la nouvelle vague. Nouvelle Vague, Richard Anthony, nascut a El Caire, Egipte, el 1938, i que va morir l'any 2015, un 20 d'abril. És un cantant francès que va passar molta part de la seva infantesa en diferents països, i entre ells Egipte, però l'Argentina i Anglaterra també ens portava aquesta cançó, Nouvelle Vague. Ara és Johnny Holiday, Souvenirs, Souvenirs. Je retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre jure, les rendez-vous de nos vacances, dans nos faisions les fous. Souvenir, souvenir de le beau jour de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour les garder dans ma tête, les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir. Et nous partions comme gavroches, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Un altre dels grans artistes francesos d'origen belga, Johnny Hallyday, també ens acompanyava des del 1962. El rock and roll a França porta el seu nom. Jean-Philippe. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous ferons le tour du monde avec mon trois majori. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous n'aurons plus pour amis que la brise vagabonde et le soleil de midi. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Va, mon bateau, va, danse ton mât, claque ta voile. Va, mon bateau, va, pour elle et moi, vogue là-bas. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Choisis la plus belle escale et je t'offre un paradis. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Veux-tu le ciel de Capri ou les palais de Bengale ou le soleil d'Hawaï? Va, mon bateau, va, danse ton mât, claque ta voile. Va, mon bateau, va, pour elle et moi. Oui, mais voilà, mon bateau est tout petit. Il dort dans une bouteille et moi je rêve avec lui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Quand vient la nuit, nous partons découvrir mille merveilles dont je ne sais pas le nom. Non, non, non, non, non, non. Va, mon bateau, va, danse ton mât, berce mon rêve. Va, mon bateau, va, pour elle et moi, vogue là-bas. Un jour, mon trois, ma jolie, m'emportera loin d'ici, dans un merveilleux pays. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Escoltarem cançons a continuació del que va ser el quart àlbum d'estudi de l'autora, compositora i intèrpret francesa Carla Bruni. El 1 d'abril del 2013 es va publicar amb aquest àlbum, que després va veure una edició de Lux, del qual nosaltres estraiem les cançons, i també una edició especial de l'EFNAC en vinil, i que va vendre més de 75.000 exemplars quan va sortir al mercat. Carla Bruni ens portava la majoria de les composicions d'aquest àlbum, excepte una, que també era una adaptació seva d'una cançó d'en Charles Trenet, que es deia Dolça França. L'àlbum portava el nom de Little French Songs, petites cançons franceses. El 1 de març de 2013, aquest en fou el primer senzill que s'edita. Chez Keith et Anita. Dans les bagnoles, au Batignol, à Istanbul, avenue du Roule, sur un atoll, ou dans la foule, on est là où l'on peut. À Notre-Dame, au bord du drame, à Macao, à Birmingham, dans un bistrot, ou sous un tram, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, non, non, non. Si j'ai quitté Anita, c'est le petit matin. Vous en êtes pas couché, ma foi. Quelqu'un se roule un joint. Oh non, merci, je ne fume pas. Quelqu'un joue du Chopin. On est chez qui fait Anita. Quelqu'un joue du Chopin. On est chez qui fait Anita, ouais. Dans une poubelle, le nez au ciel, dans un tunnel, mis sous tutelle, dans un hôtel, au Sofitel, à Singapour, à Bruxelles, au petit jour, au grand carrefour, on est là où l'on peut. Dans son berceau, sous son chapeau, à Zanzibar ou à Bordeaux, dans son cauchemar, seul au tableau, dans un plumard, dans son tombeau, dans le brouillard, ou au fil de l'eau, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, non, non, non, je suis chez qui t'es Anita. C'est la fin de l'été. Mais il fait encore doux, ma foi. Quelqu'un boit du rosé et quelqu'un joue l'harmonica. Qu'il fait bon d'exister. Ici chez qui fait Anita. Qu'il fait bon d'exister. Ici chez qui fait Anita. En politique, en place publique, à l'aventure, dans l'Antarctique, à la jetante, au canonique, au bord du Gange, à Dubrovnik, sous les louanges, couvert de franges, on est là où l'on peut. Au fond du trou, à l'aube blême, au rendez-vous, à la traîne, à Malibu, à Valenciennes, à Katmandou, à Saint-Étienne, sous les lieux roux, voilà Madeleine, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, non, non, non, je suis chez qui fait Anita. Ici tout est tranquille, il n'y a pas l'ombre d'un fracas. Marianne sans la vanille, toute de velours et de soie, comme la vie scintille. Ici chez qui fait Anita, comme la vie scintille. Ici chez qui fait Anita. C'était l'été 70, je ne savais rien de tout ça. Et pourtant je vivais chez Keith. J'ai quitté Anita. J'ai quitté Anita. C'était l'été 70, j'étais à peine... El primer senzill del disc, A casa d'en Keith i de l'Anita. Parla de moments i accions a casa del guitarrista dels Rolling Stones, Keith Richards, i de l'aleshores parella d'ell, l'Anita Pallenberg. Totes les cançons de l'àlbum van ser escrites a francès, tot i que la cançó Dolce França va ser cantada en italià i Little French Song, que és en francès, amb algunes estrofes en anglès. També té una col·laboració especial, el Vals Pòstum, de Frédéric Chopin, que ella va adaptar i també va posar-hi la veu i la lletra. En el quart tema del disc, dedicat al seu espòs, l'expresident francès Nicolas Sarkozy, que es diu Mi Raymond, va rebre la col·laboració del cantant francès Julien Clerc. Aquest va ser també el tema que va sortir com a segon senzill de l'àlbum. Mon Raymond est là tout bon, c'est de la valeur authentique. Pour franchir le Rubicon, on ne peut pas dire qu'il hésite. Mon Raymond est le canon, c'est de la bombe atomique. Quand il déboule, nom de nom, l'air en devient électrique. L'air en devient électrique. Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe, en toute situation critique. Mon Raymond, c'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. Mon Raymond est un pirate, ouais. Il prend tout à l'abordage, comme s'il y jouait sa vie, comme s'il y jouait sa peau. Comme si le monde était beau, il dit que la vie est un gage, qu'il faut la vivre debout, ou bien la vivre à genoux. Vraiment rien ne le décourage, non. Vraiment rien ne le décourage, non, non. Mon Raymond a du talent pour séduire tout genre de clics. Quand il cause, c'est saisissant, les confusions se dissipent. Ce qui s'est causé Raymond, il manie la dialectique. Quoi qu'en disent les bouffons, vraiment c'est de la dynamite. Vraiment c'est de la dynamite. Mon Raymond il vient d'ailleurs, et personne n'a ses manières, ni de dire, ni de faire, ni de goûter au bonheur. Mon Raymond il est unique, avec ses yeux de mes anges, avec ses airs de métèque, on croit juif de Salamique. Raymond se tait, il vient comme une tristesse. On sent qu'il aimerait croquer quelques miettes de tendresse. On sent qu'il aimerait se promener et quitter sa forteresse. On sent qu'il aimerait goûter à quelques douceurs terrestres. À quelques douceurs terrestres. Et Raymond, voilà pour toi quelques rondes et quelques croches, quelques rimes de mon choix. Douce et chaude comme une brioche. Quelque chose me dit Raymond, que malgré tous les honneurs, et puis ta belle situation, tu dois manquer de douceur. Alors voici ma chanson, ma chanson pour toi Raymond, ma chanson pour toi Una altra de les cançons de l'àlbum també estava dedicada a un polític, a la cançó anomenada El Pingüí, de Pingüín, era una referència a François Hollande. Deixem estar aquest disc i ho fem amb la darrera cançó, el darrer senzill que va sortir el mes de novembre de 2013, J'arrive à toi, va ser també el tercer senzill d'aquest àlbum. qu'il me faut recommencer. J'arrive au front sans sagesse, j'arrive à l'âge sans raison. C'est sûr qu'on vit de justesse, c'est sûr qu'on vit sans façon. J'arrive à toi par miracle, après de longues années, après des siècles d'obstacles et des lundis tristes à pleurer. Je n'arrive à rien qui console, je n'arrive à rien qui prétend, je n'arrive à rien qui s'envole, à rien qui défie le temps. Et s'il arrive qu'une étoile sur nous se penche un instant, c'est sûr que la vie nous dévale, c'est sûr qu'elle nous entreprend. J'arrive à toi par miracle, après de longues années, à consulter les oracles et à guetter l'inespéré. Du creux d'une vallée, j'arrive droit de Saint-Marcande, j'arrive des Indes poivrées. S'il arrive que je chante, que je me laisse emporter, c'est sûr que la vie nous tourmente, c'est sûr qu'on goûte au regret. J'arrive à toi par miracle, après de longues années, après l'enfance grisâtre et la jeunesse endiablée. Una setmana més, arribem a la meitat del nostre programa, aproximadament, tampoc ve d'un pam, i tenim la col·laboració del nostre bon amic i persona molt especial, Ciril Torres, que ens acompanyarà una vegada més amb la seva col·laboració a la Music. Molt benvingut, Ciril. Hola a tothom i gràcies, Rafel, per, doncs, per permetre'm compartir aquest espai i compartir, sobretot, música, que és el que ens uneix en aquest cas. Jo tinc, doncs, evidentment, tinc molta cosa per proposar-vos. Avui n'hem triat... El que no te falta són coses per proposar. No, jo sempre tinc l'impressió de tenir algú a dir. A vegades és bo i sovint és dolent, però és així. Ens anem a l'Àfrica, i ens anem a l'Àfrica a finals del segle XX, perquè van tenir una aparició fulgurant en un moment on el hip-hop, que avui en dia, doncs, ja està, doncs, segurament és la música que genera moltes coses, quan el continent africà ho va fer seu i ho va tornar a agafar i va donar la volta. Ells són de Senegal, d'un Senegal que viu entre Dakar i París, també amb unes influències o amb unes estructures molt europees en aquest cas, i eren els Bisson Abisso, van arrasar, com dic, en el seu moment, i tot el seu treball, doncs, era una absoluta meravella, del qual n'hem fet servir moltes coses. Bisson Abisso des de Senegal amb Africa by Night. Això és Hola la Music amb Ciril Torres. À l'aéroport Grand Yoff à Dakar. Bonjour à mon pote Papi. Nangadev, Langifi. Chine. Le soir au Métropolis, une semaine au Sénégal pour des vibes. J'irais aussi Zotimis, squatter à Sendega. Pourquoi pas Tchatchiman, Jack, Oliev. Des hauts c'est partant, toujours d'accord pour les découvertes, les rencontres avec Taraji. Le positif, Black Soul ainsi que la copine. En ce moment, moi je vis à 100 à l'heure au rythme camerounais. J'ai pris une suite au Téliton, au Mom Fébé à Yaoundé. Eh, hey, tu as les dos. T'as pas le temps de faire dodo, il faut aller chercher les joints dans les circuits. Et puis je commence à la salsa où j'écoute mon Makossa. Je pose le gibet sur la table et toutes les filles viennent à moi, tu saisis. De femme en femme, de verre en verre. À mon réveil, j'en trouve une dans mon lit. Comment c'est un mystère? J'ai mis mon plat classe, tous mes séphas, les mains qui passent, ils ont abysso. Ce soir y'a pas de rat, on y croit. Bon, et là, je vais pas jouer les gawa, gawa. Un nec marron, je donne des sofas. Je roule à trèche, ville, à Bobo m'appelle. Ouais. Coco dit se fâche la nuit, aux deux plateaux, c'est belle. Silhouette et allongée pour les yeux. C'est chaud, sous blazo, plein de coco. Soir à Somade, y'a ses pleins direction Praï, rendez-vous à l'esplanade. Les vieux bédis boivent leur coke sur des airs de Césaria. Tandis que les jeunes du quartier sont prêts pour faire la java. Oh Milina, oh Milina. Elles sont ravies sans tes coquettes, je sais plus où donner de la tête. Tes bras coucou l'Atlantique, ce soir c'est ambiance de fête. Avant ça, je vais à la plage au concert de Gilbert Fay. Direction étoile rouge, réussi. Nos cotons, nous au Bénin, tout classé. Braillé. J'enchaîne comme un parrain. J'arrive. À l'acropole et les dorades. En Haïti, on m'a dit que j'allais boire du clairin. Y'avait des belles mamzelles, mais aussi des bousins. Des concerts au marché de fées de tabou combo. Tranquille. Du groupe La Rose, du groupe Missile. Voir les bad boys haïtiens au champ de masse. Éviter les hougans, gratter les grands. Nègre en masse, roll to bip. Je ferai des stages au canapé. Et entre le travail, les vacances et les soirées. Oh, Africa by night. Yamaya, de retour à Plaza. Après cette épopée de longue haleine, nous voilà. Ouais, ouais. À déposer nos bagages et tout de suite repartir. Ouvrir les nganas, on goke la gueule jusqu'à pomer. Honnêtement, l'ambiance de Mongali nous a quand même manqué. C'est à cœur, je vois que l'on va retrouver les amis du quartier. Ouais, kiffer la mer, nous baigner à pointe noire. Mieux qu'en France, nous pourrons enfin taper des pointes de noir. La nuit tombée ne sont jamais couchés. Ne sont jamais le pays est fauché. Ça n'empêche que les gens dépensent pour les pistes de danse. Que les bouteilles soient sur toutes les tables, dans l'eau en abondance. Oh, Africa by night. Les nuits africaines sont les belles. En bref, l'allégorie des dessous de la terre mère. C'est l'allégresse omniprésente entre sœurs et frères. Oh, Africa by night. Prince Abimé, le meilleur. Oh, Africa by night. Bambie, Bamako. Oh, Africa by night. Libreville. Oh, Africa by night. Tanga, Panache, Nifa, Oh, Africa by night. Nigeria, Liberia. Oh, Africa by night. Kenya, Dakar, Yaoundé. Oh, Africa by night. Ah, Bambie. Esteu escoltant Ulala Music. ...1998, Indestructible, l'àlbum de Véronique Sanson. Est-ce qu'on respire encore quand on s'endort? Est-ce qu'on peut vraiment vivre après la mort? C'était l'un qu'on espère. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Faut-il vous être sûr d'avoir son nom sur la liste? Être divinement égoïste comme un Bouddha être idéal. I senzills d'èxit a les llistes franceses. Aquest va ser l'àlbum indestructible amb un tren ideal, aquesta cançó número 34 a França, l'any 1998, i ben rebuda també amb d'altres països. El 16 de febrer d'aquell any, sota la producció de Bernard Saint-Paul, naixia la idea d'aquest disc, un disc d'aquesta cantant, coneguda com a Veronique Sanson, un onzè àlbum d'estudi d'aquesta artista, que també tenia aquest senzill anomenat Un amor que me rapi. Le ciel peut toujours s'écrouler. La nuit peut toujours se déchirer. Il est là près de moi, je l'ai choisi tout bas, je l'ai laissé faire. C'est un amour qui m'irait bien. Puisque mon âme est si légère, qu'elle peut enfin quitter la terre, laisser mon corps à ses douleurs, comme un univers qui se meurt. Depuis le fond de mon sommeil, de cette galaxie sans soleil, j'espère encore vivre demain. Je cherche un amour. Alors pourquoi cette attitude? Cet isolement toujours plus rude. Je Eric Sanson és el tema que escoltem ara mateix. Estem a punt del final, ens queda encara la col·laboració d'en Hamid. Repàs des del 1998 d'aquest magnífic àlbum, d'aquest indestructible. Presque tous les matins. Et puis les jours ignobles ont saboté ma fête. J'ai cru que je devenais fort, j'ai su que je perdais la tête. Je me suis tellement manqué, je me suis tellement fait de mal. J'ignorais tous les gens, ça me paraissait normal. Je m'étais tellement trahi, j'avais rendu les âmes, mais j'ai tout démoli à cause d'une petite larme. Una setmana més arriba als nostres estudis la col·laboració d'en Hamid, la col·laboració amb Olala Music, i amb ell el rebem amb els braços oberts per la seva recomanació setmanal que ens porta ara mateix. Aló, mon ami Hamid. Bonjour, Rafa. Quel que chose pour aujourd'hui? Aujourd'hui, commence avec... quand je travaillais avec le festival de Wamad 2007, j'avais préparé une compilation avec des chansons sur le temps qui s'appelle About Time. Et parmi ces chansons-là, il y avait celle de Sam Go qui s'appelle Midi Passé. Il est déjà déjà midi passé, il est déjà midi passé. L'indépendance ne viendra plus au rendez-vous. La démocratie ne viendra plus. L'indépendance, L'indépendance ne viendra plus au rendez-vous. La démocratie ne viendra plus au rendez-vous. La démocratie ne viendra plus. Saxo. Par le diamant, potasse, manganèse. L'indépendance ne viendra plus au rendez-vous. Il est déjà midi passé. La démocratie ne viendra plus. Étouffé par le pétrole et l'uranium. L'indépendance ne viendra plus au rendez-vous. Il est déjà midi passé. La démocratie ne viendra plus. C'est la papa, la panique au village. C'est la panique au village. C'est la papa, panique au village. C'est la panique. C'est la panique. C'est la panique au village. L'indépendance ne viendra plus au rendez-vous. C'est la panique. Diamant, potasse, manganèse. L'indépendance ne viendra plus au rendez-vous. Il est déjà midi passé. L'indépendance ne viendra plus au rendez-vous. Étouffé par le pétrole et l'uranium. La démocratie ne viendra plus. Il est déjà midi passé. L'indépendance ne viendra plus au rendez-vous. C'est la papa, la panique au village. La démocratie ne viendra plus. C'est la papa, panique au village. C'est la panique au village. C'est la panique. C'est la panique. L'indépendance ne viendra plus au rendez-vous. C'est la panique au village. Fait par le diamant, potasse, manganèse. C'est la panique. Il est déjà midi passé. Aquesta era la música del programa d'avui que ens aportava en Hamid. Una excel·lent cançó, mon ami. La panique au village, c'était un midi passé, Samba Ngo, il est du Congo. Doncs adéu, fins a la propera. Gràcies per haver estat amb nosaltres i acompanyar-nos a Olala Music. Amb la música de Claude François marxem amb aquest Marché tout droit. A reveure, fins a la propera. Marche tout droit, cette fille-là, fais celui qui la voit pas. Marche tout droit, cette fille-là, fais celui que ça laisse froid. C'est le genre de fille à qui tout le monde fait la cour. Toi ne lui tourne pas autour. Marche tout droit, cette fille-là, c'est comme ça que tu l'auras. Marche tout droit, cette fille-là, ne la regarde surtout pas. Marche tout droit, cette fille-là te ferait perdre ton sang-froid. Elle est bien trop mignonne pour t'y risquer. Tu pourrais pas résister. Marche tout droit, cette fille-là, elle est vraiment faite pour toi. Marche tout droit, cette fille-là, je suis sûr que tu l'auras. Marche tout droit, mais quand tu l'auras, là c'est elle qui te dira. Les filles sur lesquelles tu aimes bien te retourner, maintenant c'est terminé. Marche tout droit, cette fille-là, ne les regarde surtout pas.